Nous sommes un peuple fier. Nous n'avons pas l'âme d'esclave. Si nous avons cru devoir de faire ce choix, c'est en raison de la conscience aiguë que nous avons d'aller dans le sens de l'histoire qui condamne l'isolement et ouvre les portes dorées de l'espoir aux grands ensembles économiques et politiques. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de notre chère Côte d'Ivoire, inséparable de celui de la métropole, veut, pour qu'elle soit féconde et durable, que notre association repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs, sur l'amitié sincère et sur la fraternité. Du côté des radicaux, qui veulent que le mot « indépendance » figure dans le texte et que l'on aille vite en affaires, figure Sékou Touré.